Ajahn Chah. La pratique de la méditation. J'aimerais que nous parlions de votre pratique de la méditation. Vous pratiquez tous depuis assez longtemps, mais êtes-vous sûr de ce que vous faites? De nos jours, il y a toutes sortes d'enseignants de méditation partout, et je crains que cela ne crée des doutes quant à la façon dont il faut procéder. En fait, il n'y a rien de plus grand et de plus beau que les enseignements du Bouddha sur la concentration et la méditation de la vision pénétrante que vous pratiquez. Si vous en avez une claire compréhension, ils apporteront une paix inébranlable à votre cœur. La méditation qui permet d'apaiser l'esprit s'appelle samadhi, la concentration. L'esprit est extrêmement versatile et peu fiable. L'avez-vous remarqué? Certains jours, on s'assoit pour méditer et en quelques secondes, l'esprit est parfaitement calme. D'autres jours, on s'assoit et on aura beau faire, le calme ne vient pas. L'esprit essaye constamment de s'échapper. Parfois tout va bien et parfois c'est terrible. L'esprit déploie toutes ses facettes pour que nous le connaissions. Vous devez comprendre que les 8 facteurs du noble octuple sentier se rejoignent en 6 là, la vertu ou comportement éthique, samadhi et panya, la sagesse. Ne les cherchez nulle part ailleurs. Autrement dit, pour que votre pratique aboutisse, il faut que dans votre esprit, il y ait moralité, attention focalisée et sagesse. Ainsi, quand vous pratiquez la méditation, vous créez les causes qui vont vous ouvrir la voie de manière très directe. En général, on vous dit de fermer les yeux en méditation assise pour ne pas être attiré par les objets qui vous entourent. Avec les yeux fermés, l'attention se tourne tout naturellement vers l'intérieur, vers l'esprit, qui est la source de toutes sortes de connaissances. Une fois assis, les yeux non occupés par les objets extérieurs, posez votre attention sur la respiration. Faites en sorte que la conscience de la respiration soit plus importante que tout le reste. En restant posé là, vous en viendrez à connaître l'endroit qui est le point de focalisation de l'attention. Quand les différents facteurs du sentier fonctionneront ensemble, vous serez à même de voir votre souffle, vos ressentis, votre esprit et tous les objets mentaux tels qu'ils sont vraiment dans l'instant présent. Pour finir, vous connaîtrez le point qui est à la fois l'endroit où l'attention se focalise en samadhi et où tous les facteurs du sentier se rejoignent. Quand vous développez samadhi, fixez votre attention sur la respiration et imaginez que vous êtes assis seul, qu'il n'y a rien ni personne autour de vous qui vous dérange. Renforcez cette perception en la maintenant jusqu'à ce que l'esprit lâche complètement la conscience du monde extérieur. Il ne reste que la conscience de l'air qui entre et qui sort. L'esprit doit mettre de côté le monde extérieur. Ne vous autorisez pas à penser aux personnes qui vous entourent. Ne laissez à aucune pensée l'occasion de venir agiter votre esprit. Mieux vaut les renvoyer et en finir avec elle. Développez la perception qu'il n'y a personne d'autre ici, que vous êtes assis seul, jusqu'à ce que toutes les pensées et tous les souvenirs attachés à des personnes ou à des situations s'apaisent et ne vous intéressent plus du tout. Vous pouvez alors fixer votre attention uniquement sur l'air qui entre et qui sort. Respirez normalement. Laissez les inspirations et les expirations se faire tout naturellement, sans forcer pour les rendre plus longues ou plus courtes, plus profondes ou plus légères que la normale. Laissez le souffle se faire tranquillement, sans heurts, et observez-le tandis qu'il pénètre dans le corps et qu'il le quitte. Une fois que l'esprit aura lâché les phénomènes extérieurs, vous ne serez plus gêné par le bruit des voitures ni par quoi que ce soit. Rien de ce qui vient du dehors ne pourra vous irriter. Qu'il s'agisse d'objets visuels ou de sons, ils ne seront pas source de perturbation parce que votre esprit, concentré sur la respiration, ne leur accordera aucune attention. Si l'esprit est agité par toutes sortes de choses et que vous ne pouvez pas vous concentrer, essayez de prendre une inspiration très profonde, puis relâchez l'air jusqu'à vider entièrement les poumons. Faites cela plusieurs fois, puis revenez à la conscience de la respiration naturelle pour continuer à développer la concentration. Une fois l'attention restaurée, l'esprit sera calme pendant un moment, puis il sera distrait à nouveau. Quand cela se produira, prenez une autre respiration profonde et faites sortir tout l'air de vos poumons. Remplissez-les encore au maximum, puis revenez poser votre attention sur la respiration en vous concentrant sur chaque inspiration et chaque expiration. La pratique a tendance à se passer ainsi, de sorte qu'il faut de nombreuses assises et beaucoup d'efforts pour la maîtriser. Ensuite, l'esprit saura se détourner aisément du monde extérieur et rien ne le dérangera. Les phénomènes extérieurs ne pourront pas pénétrer à l'intérieur et le perturber. Et quand ils ne pénétreront pas, vous verrez l'esprit. L'esprit deviendra un objet d'attention, de même que la respiration et les phénomènes mentaux. Ils seront tous présents dans le champ de votre conscience, concentrés au bout de votre nez, là où l'attention est posée sur l'inspiration et sur l'expiration. Vous continuerez à pratiquer ainsi à votre aise. Quand l'esprit s'apaise, la respiration qui, au départ, était assez grossière, devient automatiquement plus légère et plus fine. Le corps lui-même paraît plus léger, tandis que l'esprit se libère de ses fardeaux en lâchant les phénomènes extérieurs. Dès ce moment, votre conscience se détourne du monde extérieur et se dirige vers l'intérieur pour se concentrer sur l'esprit. Une fois l'esprit concentré, maintenez l'attention sur le point où elle s'est focalisée. Vous verrez clairement l'air entrer et sortir. L'attention sera pointue et la conscience des objets mentaux et de l'activité mentale sera plus précise. À ce stade, vous verrez les caractéristiques de Shila, Samadhi et Panya et la façon dont les trois fusionnent. Une fois réalisée l'unification des facteurs du sentier, votre esprit sera libre de toute turbulence. Il sera focalisé sur un point unique, c'est Samadhi. Lorsque l'on concentre son attention sur une seule chose, dans ce cas la respiration, on gagne en clarté et en conscience du fait de la présence ininterrompue de l'attention. Tandis que vous continuez à observer très clairement la respiration, l'attention devient de plus en plus forte et l'esprit plus sensible de différentes manières. Vous voyez l'esprit se focaliser au centre de la respiration. Le monde extérieur disparaît peu à peu de votre conscience et l'esprit n'est plus du tout engagé dans quoi que ce soit d'extérieur. C'est comme si vous entriez chez vous. Toutes vos facultés sensorielles se sont regroupées pour former un tout unique. Vous êtes parfaitement à votre aise et l'esprit est libre de toute préoccupation extérieure. L'attention reste posée sur la respiration et, avec le temps, elle pénètre de plus en plus profondément en s'affinant toujours davantage. Finalement, l'attention à la respiration devient si fine que cette sensation semble disparaître. On pourrait dire que la conscience de la sensation de la respiration a disparu, ou bien que la respiration elle-même s'est arrêtée. En réalité, la conscience du souffle devient si subtile qu'il est difficile de le discerner. La respiration est toujours là, mais si légère qu'elle semble avoir disparu. Pourquoi ? Parce que l'esprit s'est affiné au maximum et qu'une nouvelle forme de connaissance est apparue. Tout ce qui demeure, c'est cette connaissance, et c'est elle qui devient l'objet de méditation sur lequel vous devez maintenant focaliser votre attention. Il est possible qu'à ce stade vous ayez des doutes, car c'est là que toutes sortes de choses inattendues, comme des visions, appelées nimitta, peuvent apparaître en méditation. Les nimitta sont de différents types et ces visions peuvent s'accompagner de sons. S'il y a des nimitta, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, il faut bien voir qu'il ne s'agit que de phénomènes impermanents. Ne vous laissez pas envahir par le doute ou la peur. À ce stade, vous devez faire en sorte que l'esprit soit inamovible dans sa concentration et être particulièrement attentif. Certaines personnes prennent peur quand elles constatent que la respiration a disparu. Elles paniquent et craignent de mourir. Vous devez simplement comprendre qu'il est naturel que la pratique progresse ainsi. Observez cette sensation de non-respiration et maintenez votre attention dessus. Faites-en votre nouvel objet de méditation. Le Bouddha a décrit cet état comme la forme de samadhi la plus ferme et la plus stable qui soit. Il n'y a qu'un seul objet de l'esprit, ancré et inamovible. Lorsque votre pratique de samadhi atteint ce point, vous aurez conscience de nombreux changements inhabituels, de transformations subtiles dans votre esprit. Quant au corps, il paraîtra extrêmement léger. Vous pouvez même avoir l'impression qu'il disparaît complètement, que vous flottez au-dessus du sol, que vous ne pesez plus rien. C'est comme si vous étiez au milieu de l'espace et, où que vous dirigiez vos facultés sensorielles, elle ne semble rien enregistrer du tout. Tandis que vous poursuivez cette pratique, vous devez comprendre qu'il n'y a rien à craindre. Posez-vous dans ce sentiment de détente et de sécurité dans l'esprit. Une fois l'esprit concentré et focalisé, rien ne pourra le pénétrer ni le perturber, et vous pourrez rester assis aussi longtemps que vous le voudrez. Vous pourrez maintenir votre concentration sans ressentir la moindre douleur ni la moindre gêne. Ayant développé samadhi jusqu'à ce niveau, vous êtes capable d'y entrer et d'en sortir à votre gré. Quand vous en sortez, c'est parce que vous le souhaitez et non parce que vous vous sentez paresseux ou fatigué. Un tel samadhi est détendu et confortable. On y entre et on en sort sans difficulté. Si vous avez un authentique samadhi de ce type, une assise de 30 ou 60 minutes suffira à vous permettre de rester paisible et détendu pendant des jours. Recevoir ainsi les bienfaits de samadhi a un effet purificateur sur l'esprit. Toute expérience devient un objet de contemplation. C'est là que commence vraiment la pratique. C'est le fruit qui se présente tandis que samadhi mûrit. Le rôle de samadhi est d'apaiser l'esprit. Samadhi a son rôle, Shila a son rôle, et Panya joue encore un autre rôle. Tous ces aspects que vous développez dans votre pratique sont liés, ils forment un cycle. Une fois l'esprit calmé, il devient de plus en plus modéré et posé du fait de la présence de la sagesse et de la force du samadhi. Quand cela se produit, une énergie apparaît qui a pour effet de purifier le comportement. Une plus grande pureté dans le comportement facilite le développement d'un samadhi plus fort et plus fin, lequel soutient à son tour l'approfondissement de la sagesse. C'est ainsi qu'ils s'entraident mutuellement. Chaque aspect de la pratique soutient les deux autres et, à la fin, les trois termes deviennent synonymes. Tandis que ces facteurs mûrissent ensemble, ils forment un cercle complet et donnent naissance à Magga, la voie. Magga est la synthèse de ces trois rôles de la pratique, tandis qu'ils fonctionnent harmonieusement ensemble en continu. Préservez cette énergie. C'est elle qui donnera naissance à Vipassana, la vision profonde spéciale. Quand on atteint ce stade où la sagesse est active dans l'esprit, que celui-ci soit calme ou pas, la sagesse apporte une énergie soutenue à votre pratique. Vous voyez que, chaque fois que l'esprit n'est pas posé, vous ne devez pas vous y attacher. Et quand il est calme et tranquille, vous ne devez pas vous y attacher non plus. Ayant lâché le poids de ce type de soucis, le cœur et l'esprit se sentent beaucoup plus légers. Que les événements soient agréables ou désagréables, vous restez détendu. Ainsi, l'esprit demeure en paix. Il est également important de reconnaître que, lorsque vous terminez une session de méditation formelle, si la sagesse n'est pas présente, vous risquez d'abandonner complètement la pratique, mettant ainsi fin à la contemplation, au développement de l'attention et à la conscience du travail qu'il reste à faire. Quand vous quittez l'état de samadhi, vous devez être clairement conscient de l'avoir quitté. Ensuite, comportez-vous naturellement, mais en maintenant une attention constante. Il ne s'agit pas de méditer seulement en position assise. Samadhi signifie un esprit ferme et inébranlable. Tandis que vous vaquez à vos occupations, faites en sorte que votre esprit ait cette stabilité et maintenez cette présence consciente à tout moment, avec une attention et un rappel à soi continu. Lorsque vous rencontrez des situations qui causent plaisir ou déplaisir, soyez constamment conscient du fait que ces états d'esprit sont impermanents et incertains. Ainsi, l'esprit reste calme, dans un état de normalité. Il y a deux sortes de paix, celle qui vient de samadhi et celle qui vient de panya, la sagesse. L'esprit apaisé par samadhi est encore obscurci par les pollutions mentales. Cette paix est dépendante des conditions extérieures dont l'esprit doit s'isoler. S'il est libre de tout contact sensoriel et de toute activité, le calme est présent et on finit par s'attacher au bonheur qui naît de cet état de tranquillité. Mais dès que les sens sont stimulés, l'esprit cède. Il va ensuite avoir tendance à craindre les phénomènes extérieurs. Il va craindre le bonheur et la souffrance, les louanges et les critiques. Il aura peur des formes, des sons, des odeurs et des saveurs. Ceux qui trouvent la paix uniquement en samadhi ont peur de tout et ne veulent s'engager envers rien ni personne, de crainte que leur état d'esprit soit perturbé. Ils ne demandent qu'à s'isoler pour faire l'expérience de la félicité de samadhi, sans être obligés d'en sortir. Ils veulent se retrancher dans un lieu tranquille. Cette sorte de samadhi implique parfois beaucoup de souffrance. Les gens ont énormément de mal à en sortir et à vivre avec les autres. Ils ne veulent rien voir ni entendre. Rien d'autre ne les intéresse. Ils sont obligés de vivre dans un endroit particulièrement écarté, très silencieux, où personne ne viendra les déranger ou leur parler. cette forme de paix, à elle seule, ne mène pas au bout du chemin. Si vous atteignez le niveau de calme nécessaire, vous devrez ensuite vous en retirer et utiliser ce calme comme fondement pour la contemplation. Contemplez la paix de la concentration elle-même et utilisez-la pour connecter l'esprit aux différents phénomènes dont il fait l'expérience et y réfléchir. Utilisez le calme de Samadhi pour contempler les objets visuels, les sons, les odeurs, les saveurs, les sensations tactiles et les pensées à la lueur des trois caractéristiques de l'impermanence, la souffrance et l'absence d'un moi personnel. Quand vous aurez suffisamment contemplé ainsi, vous pourrez très bien revenir à Samadhi. Vous pouvez y entrer à nouveau en vous asseyant en méditation, puis, lorsque le calme est établi, reprendre la contemplation. Utilisez l'état de calme pour entraîner l'esprit, pour le purifier, mais aussi pour le provoquer. Quand la connaissance s'approfondit, utilisez-la pour combattre les afflictions mentales. Si vous vous contentez d'entrer en samadhi et d'y rester, vous n'obtiendrez aucune vision profonde. Vous apaiserez l'esprit, c'est tout. Par contre, si vous utilisez cet esprit calme pour réfléchir, en commençant par ce que vous vivez à l'extérieur, ce calme pénétrera peu à peu de plus en plus profondément vers l'intérieur, jusqu'à ce que l'esprit ressente la plus grande paix qui soit. La paix qui vient de la sagesse est différente car, lorsque l'esprit sort de l'état de tranquillité, la présence de la sagesse lui ôte toute peur des objets visuels, des sons, des odeurs, des saveurs, des sensations physiques et des pensées. Cela signifie que, dès qu'un contact sensoriel se produit, l'esprit en est immédiatement conscient et il le laisse aller parce que l'attention est assez aiguisée pour le lâcher immédiatement. Si on entraîne l'esprit ainsi, il devient considérablement plus fin que lorsqu'on ne pratique que Samadhi. L'esprit développe une grande force et n'essaye plus d'éviter quoi que ce soit. Avec une telle énergie, vous n'avez plus peur de rien. Même si dans le passé vous redoutiez toute forme d'expérience, à ce moment-là, vous connaissez la nature réelle des phénomènes et vous n'en avez plus peur. Vous avez conscience de la force de votre propre esprit et vous ne craignez plus rien. Quand vous voyez une forme, vous la contemplez. Quand vous entendez un son, vous le contemplez. Vous devenez expert dans la contemplation des objets mentaux. Vous êtes établi dans la pratique avec une nouvelle audace qui prévaudra en toutes circonstances. Qu'il s'agisse d'objets visuels, de sons ou de quoi que ce soit, vous en reconnaissez la nature et vous les laissez passer dès qu'ils apparaissent. Vous pouvez tout lâcher instantanément. Vous voyez le bonheur en toute clarté et vous le lâchez. Vous voyez la souffrance en toute clarté et vous la lâchez. Où qu'ils apparaissent, vous les abandonnez aussitôt. Continuez à les lâcher, mettez-les de côté au fur et à mesure. Dès lors, aucun phénomène ne pourra avoir d'emprise sur votre esprit. Tel est le pouvoir de Vipassana. Quand une telle qualité de présence consciente apparaît dans votre esprit, on peut appeler cette pratique Vipassana. La connaissance claire selon la vérité de ce qui est. Il s'agit de la paix à son niveau le plus élevé. Ce soir, nous avons médité ensemble pendant une heure et maintenant nous nous arrêtons. Peut-être votre esprit a-t-il arrêté complètement de pratiquer sans poursuivre la réflexion, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Quand nous arrêtons la méditation, tout ce qui doit s'arrêter, c'est l'assise formelle, maintenez un état de méditation et de réflexion à tout moment. Le simple fait de se promener et de voir des feuilles mortes par terre peut offrir une occasion de contempler l'impermanence. Nous ne sommes pas différents des feuilles. Quand nous vieillirons, nous nous flétrirons et nous mourrons. C'est aussi ce qui arrivera aux autres. Nous devons faire des efforts pour élever l'esprit ainsi, à un niveau de contemplation et de prise de conscience permanente, que nous soyons en train de marcher, debout, assis ou allongé. C'est ainsi que l'on pratique correctement la méditation, en suivant l'esprit attentivement à tout moment. J'ai souvent dit que, si on ne médite pas assidûment, chaque méditation est comme une goutte d'eau. Floc, floc, floc. Tandis que la pratique doit être un flot continu, ininterrompu. L'attention doit être constamment soutenue. L'important est que l'esprit s'occupe de la pratique et de rien d'autre. Ce n'est pas le corps qui peut s'en charger, c'est l'esprit. Si vous comprenez cela clairement, vous verrez que vous n'êtes pas obligé d'être toujours en méditation formelle pour que l'esprit fasse l'expérience de samadhi. Une fois que vous aurez pris pleinement conscience de cela, vous développerez l'attention à tout moment et dans toutes les postures. Si vous maintenez l'attention comme un flux régulier et constant, c'est comme si les gouttes d'eau se rejoignent pour former un flux harmonieux et continu. L'attention est présente d'instant en instant et, de ce fait, il y aura conscience des objets mentaux à tout moment. Si l'esprit a de la retenue, s'il est posé dans une attention sans faille, vous serez conscient des états d'esprit sains et malsains qui se présenteront. Vous saurez reconnaître l'esprit quand il est calme et quand il est dans la confusion et l'agitation. Où que vous alliez, vous serez en train de pratiquer. Si vous entraînez l'esprit ainsi, votre méditation va mûrir vite et avec succès. Faites attention à bien comprendre les choses. De nos jours, il est fréquent que les gens aillent faire des retraites silencieuses pendant quelques jours où ils n'ont rien d'autre à faire que méditer. Vous avez peut-être participé à une telle retraite pendant une semaine ou deux avant de retourner à votre vie normale. En partant, vous avez peut-être pensé que vous aviez fait vipassana, et comme vous avez le sentiment de savoir de quoi il s'agit, vous reprenez vos vieilles habitudes à la recherche du plaisir des sens. Quand vous fonctionnez ainsi, que se passe-t-il? En très peu de temps, il ne restera aucun des bienfaits de Vipassana. Si vous faites toutes sortes de choses négatives qui perturbent et agitent l'esprit, vous gâchez tout, et l'année suivante, après une autre retraite de quelques jours ou quelques semaines, vous repartez et vous reprenez votre vie de fête bien arrosée. Ce n'est pas la voie du progrès spirituel. Vous devez donc réfléchir en profondeur jusqu'à voir les effets pernicieux d'une telle attitude. Voilà ce que signifie le renoncement. Voyez tout ce qu'il y a de mauvais dans le fait de boire de l'alcool, dans les sorties et les fêtes en tout genre. Réfléchissez et voyez le mal inhérent à toutes les formes de comportements nuisibles dans lesquels vous vous complaisez, jusqu'à ce que ce mal vous devienne tout à fait évident. Cela vous donnera l'énergie nécessaire pour faire un pas en arrière et changer vos habitudes. C'est alors que vous trouverez vraiment une certaine paix. Pour trouver la paix de l'esprit, vous devez voir clairement les désavantages et les dangers de ce type de comportement. Pour trouver la paix de l'esprit, vous devez voir clairement les désavantages et les dangers de ce type de comportement. Cela, c'est pratiquer correctement. Si vous suivez une retraite silencieuse de 7 jours où vous n'avez à vous occuper de rien ni de personne, et qu'ensuite vous repartez pendant 7 mois dans les bavardages et les médisances en ne recherchant que votre propre plaisir, comment pourrez-vous tirer le moindre bénéfice durable de ces 7 jours de méditation? Je voudrais vous encourager tous à essayer de comprendre cela. Je suis obligé de vous parler ainsi pour que vous voyez clairement par vous-même que certaines de vos habitudes sont néfastes et pour que vous puissiez les abandonner. On pourrait dire que la raison pour laquelle vous êtes venu ici est apprendre comment éviter de mal agir à l'avenir. Que se passe-t-il quand vous agissez mal? Vous vous agitez, vous souffrez, et il n'y a aucune bonté dans l'esprit. Ce n'est pas la voie de la paix. C'est une réalité, mais dans de nombreux centres où la méditation est enseignée, on n'aborde pas ce point. On ne semble pas en comprendre l'importance. En réalité, vous devez mener votre vie de tous les jours de manière calme et posée, invariablement. Cet enseignement est un rappel pour vous tous, et je vais vous demander de me pardonner. Certains d'entre vous pensent peut-être que je vous gronde, et se disent « ce vieux moine nous remet à notre place ». Non, mais ce n'est pas cela du tout. C'est seulement que vous avez peut-être besoin que l'on vous rappelle certaines choses. En méditation, vous devez constamment tourner votre attention vers la pratique. Faites de votre mieux pour pratiquer régulièrement. Voyez les désavantages d'une pratique irrégulière, sans véritable engagement, et essayez d'investir un effort continu consacré à la méditation. Il sera alors possible d'envisager que vous mettiez définitivement fin à toutes les souffrances de l'esprit.